بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا مرحبا بكم أيها الإخوة premièrement bienvenue les frères et sœurs pour cette assise et pour ce séminaire et on remercie notre frère Abdullah Abu Ibrahim pour sa participation, ainsi que notre frère Abdel Halim, Abu Abi Bakr aussi, notre frère qui va arriver dans quelques instants, Inch'Allah Ta'ala. Et donc je ne vais pas faire très long, vu que nous avons déjà pris un peu de retard, mais on va quand même aborder un sujet qui est très important, particulièrement à notre époque. Il est important que les musulmans prennent conscience de l'importance du conseil. Car le conseil est une cause qui va augmenter la fraternité mutuelle. Nous avons tous des erreurs. Tous les fils d'Adam fautent. Et donc nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous montre nos erreurs. Akhraj al-Bukhari fi al-adab al-mufrad an Abi Huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. البخاري l'a cité dans son livre الأدب المفرد selon أبي هريرة رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le miroir de son frère. Et il est impératif aux mes frères que nous méditions sur ces quelques mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le croyant est le miroir de son frère. إِذَا رَأَى فِيهِ عَيْبًا أَصْلَحَهُ. S'il voit en celui-ci un défaut, un manquement, il le corrige. فَكُلُّنَا لَوْ نَظَرْنَا إِلَى الْمِرْآةِ. Chacun d'entre nous, si on se regarde dans le miroir, nous allons voir nos défauts. Nos défauts à droite à gauche. فَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُنْ مَا أَخِيكَ أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ يُخْطِئْ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُ خَطَأَهُ. Si tu vois qu'il se trompe, alors tu lui montres ses erreurs. وَكُلُّنَا نَحْفَظُ. Sourate al-Asr, nous mémorisons tous Surat al-Asr. Et nous avons déjà vu plusieurs fois l'explication de ces quelques versets. Que l'être humain ou que les humains sont tous dans la perdition. Sauf ceux qui ont rassemblé quatre caractéristiques. Et parmi celles-ci, watawasaw bil haqq. Ils se sont enjoints la vérité. Fahada min wajibati hadha ad-din. Cela fait partie des obligations de cette religion. ولا ينبغي لأحد أن يتكابر عن هذه الأمور. Personne ne doit faire preuve d'orgueil par rapport à cela. Malheureusement aujourd'hui, certains, sous prétexte qu'ils ont un peu étudié ou autre, ou qu'ils sont arrivés à un degré où ils sont respectés par toute la communauté. Si tu viens les conseiller, c'est comme si tu avais accompli un grand péché. Dabou fiyahal. Ils m'ont fait un désastre. Non, on te conseille. Wa hakadha yanbaghi ala kulli mu'min an yatawadda lil haqq. Et c'est comme cela que chaque croyant doit se faire humble pour la vérité. Tu acceptes la vérité, même si celle-ci te vient, même si celle-ci vient de ton frère, qui est plus jeune que toi, qui a moins de science que toi. Tu dois accepter la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, sadaqaka wa huwa kadhub, il t'a dit la vérité, alors que c'est un grand menteur. فَلَوْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَجُلٍ كَذَّابٍ تَقْبَلُهُ. Et donc si la vérité elle te vient d'un homme menteur, tu l'acceptes. Mais dit-on, mes frères, sur le caractère du croyant. Le croyant, il accepte, il aime ceux qui viennent le conseiller. Contrairement à ceux qui ont été cités dans le Coran et dont Allah tabaraka wa ta'ala a montré qu'il n'aime pas les conseilleurs. Allah tabaraka wa ta'ala a abordé le cas du peuple de Salih qui n'ont pas accepté les recommandations de celui-ci. Salih s'est donc détourné d'eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Alors il s'est détourné d'eux. Il leur a dit, ô mon peuple, certes, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et je vous ai conseillé. Cependant, vous n'aimez pas les conseillers. Le croyant, il aime ceux qui viennent le conseiller. Vous connaissez cette parole qui est propagée. Rahimallahu mu'an. Abdali uyuba nafsi. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui m'a montré mes défauts. Hakadha yanbaghi an yakuna al-muslim. Yatawadha al-haq. Il se fait humble pour la vérité. Il y a énormément de choses à dire par rapport à ce sujet, mais je ne voudrais pas faire long, particulièrement que nous avons déjà pris du retard. Et que moi, je vais devoir partir. Voilà pourquoi je m'excuse aujourd'hui, je ne vais faire que l'introduction. Et après, j'ai un voyage, Inch'Allah. Mais je vous laisse tous. Je vous laisse tous avec nos invités aujourd'hui. Et on espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala place la fraternité entre tous les salafis. Car celle-ci est une obligation, ceci est une obligation, l'amour entre les salafis. لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Vous ne rentrerez au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Et vous n'aurez pas la foi complète jusqu'à ce que vous aimiez mutuellement. Et donc, profitez, mes frères, de ce genre de rencontre pour faire connaissance, pour vous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, écouter leur appel et faire les causes pour augmenter la fraternité et l'amour entre vous. Je vous laisse donc, mes frères, avec nos frères Abdullah Abu Ibrahim, qui fait partie des étudiants francophones qui ont pu profiter des meshayikhs du Yémen. Et parmi eux, le Cheikh Yassine Al-Adani, rahimahullah, ainsi que le Cheikh Fahd, rahimahullah, et d'autres. Et aussi avec notre frère Abdel Halim, qui fait partie des étudiants du Cheikh Arafat, Al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala, et qui fait partie des étudiants qui s'efforcent d'être sérieux dans l'apprentissage de leur religion et d'appliquer ce qu'ils connaissent, ce qu'ils apprennent. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde à tous la réussite. Il est seul capable de toutes choses. Wa faqallahu al-jami'a. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.